professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quel choix rationnel opérer en cas d'incertitude pour les juristes ? Comment le pari pascalien peut-il nous faire comprendre la dimension religieuse de la gouvernance par les nombres ? Qu'est-ce que la prudence du juge ? Comment le calcul des probabilités peut-il être à la fois descriptif et normatif ? Comment passe-t-on de la prudence au calcul dans le jugement ? Pourquoi la notion de société assurantielle ? Comment Condorcet a-t-il pu penser les prémices de la globalisation et d'un droit universel ? Alain Supiot, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, fondateur en 2008 de l'Institut d'études avancées de Nantes, ouvre un nouveau volet du passage du gouvernement des lois à la gouvernance par les nombres et débute aujourd'hui la longue histoire de l'idée de remplacer le jugement par le calcul. Le juriste, spécialiste du droit du travail, rappelle la procédure qui permet de convertir un conflit en litige. Comment le rôle du juge consiste notamment à peser les témoignages. Alors que le juge va déployer la prudence, les pairs du calcul des probabilités cherchent à donner une estimation chiffrée de la vérité du fait rapporté. Dès lors, l'utilité l'emporte sur la connaissance. Ainsi, le calcul des probabilités sert à prescrire. C'est l'exemple des questions de santé publique avec le double caractère de la maladie, fait social quantifiable et événement singulier privé. Alain Supiot rappelle la controverse sur l'inoculation de la variole, suivie par celle au XIXe siècle qui prône la moyenne numérique défendue par les médecins hygiénistes face à ceux qui mettent en avant l'expérience clinique, la singularité et la connaissance exacte. Les probabilités qui servent à prescrire, c'est aussi le passage du pari hasardeux sur la vie au système de prévoyance des assurances-vie. Le juriste oppose le temps long de la prévoyance, de la prudence, face au temps court de la spéculation. Alain Supiot interroge l'état social, où l'avènement d'une société assurantielle, le rapport privé-public, les buts lucratifs et non lucratifs, et il montre comment la foi dans les nombres supplante progressivement la confiance dans les personnes. Dès lors, il s'agit d'adosser les lois au calcul et de fonder un droit uniforme et universel. Condorcet critique Montesquieu dans cette perspective, tandis que l'application des calculs de probabilité aux faits sociaux ne fait pas l'unanimité. Pourtant, les usages modernes des méthodes de quantification se dessinent. Alain Supiot anticipe sur le cours suivant et nous présente les chiffres contrôle de la Chine du classement de Shanghai et ceux de l'URSS période Gosplan. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours d'Alain Supiot le 21 mars 2013, jugé le passage de la prudence au calcul. Au point de départ des méthodes modernes de quantification, se trouve une question qui est une question centrale pour les juristes, qui est peut-être le cœur du métier. Cette question, c'est de savoir comment agir rationnellement face à l'incertitude. Quel choix opérer en situation d'incertitude ? Cette question fait l'objet de l'art du procès, et s'il n'y avait qu'une chose à garder, à conserver dans les facultés de droit, ce serait peut-être l'enseignement de la procédure. L'objet de tout procès est en effet de faire en sorte qu'un conflit ne dégénère pas en pugilat. Le respect d'une procédure permet de convertir ce conflit en échange réglé d'arguments sous le regard d'un tiers appelé à trancher, c'est-à-dire à établir une vérité légale qui s'imposera à toutes les parties. Le rôle du juge est de peser leurs arguments sur la balance de la justice, d'établir la vérité ou la fausseté des faits qu'ils allèguent et de prendre donc une décision qui aura force normative. De ce point de vue, l'action du juge s'apparente à celle du joueur qui doit lui aussi, une fois engagé dans une partie, décider rationnellement en situation d'incertitude. Vous vous souvenez peut-être, ceux d'entre vous qui aiment à lire Rabelais, d'un de ces personnages qui est le juge Bridois, aussi appelé Bridoison, fort renommé dans sa région pour la sagesse de ses jugements. Et il advient un jour que Bridois se met à rendre de mauvaises décisions et Pantagruel l'interroge en lui disant « qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « c'est que ma vue baisse et en réalité je juge les procès en général au sort des dés. » Et le juge dit « comme est l'usage de judicature à laquelle nos droits toujours commandent de déférer. » Jeter ainsi les dés est une manière de s'en remettre au jugement de Dieu, comme le notait déjà Augustin à propos du tirage au sort. Mais le joueur expérimenté est celui qui ne s'en remet pas ainsi à Dieu et s'efforce au contraire, avant de décider de sa mise, de calculer ses chances de gains et de pertes. Et c'est à ce joueur que s'adresse le fameux pari pascalien. Faute pour lui d'avoir reçu la foi de la grâce divine, le joueur auquel s'adresse Pascal est livré à lui-même pour savoir s'il doit croire ou non en l'existence de Dieu. Dès lors qu'il est, dit Pascal, embarqué dans la vie, il ne peut échapper à cette question. Il lui faut trancher en situation d'incertitude. Et Pascal lui montre qu'il peut décider de façon rationnelle de croire ou non en ayant recours aux mêmes opérations de calcul qu'à une table de jeu, c'est-à-dire en usant de ce qu'il sait faire d'habitude dans les salles de jeu. Par son audace, puisqu'il s'agit de faire reposer la foi sur un calcul, et par sa rigueur mathématique, la démonstration de Pascal conserve une valeur séminale pour comprendre la dimension religieuse de la gouvernance par les nombres. Pascal commence par montrer que la certitude et l'incertitude ne sont pas séparées par un gouffre infranchissable, mais liées par un rapport, dit-il, de proportion des hasards. Lisons-le. Tout joueur hasarde avec certitude pour gagner avec incertitude. Et néanmoins, il hasarde certainement le fini pour gagner incertainement le fini, sans pécher contre la raison. Il n'y a pas infinité de distance entre cette certitude de ce qu'on expose et l'incertitude du gain. Cela est faux. Il y a, à la vérité, infinité entre la certitude de gagner et la certitude de perdre. Mais l'incertitude de gagner est proportionnée à la certitude de ce qu'on hasarde selon la proportion des hasards de gain et de perte. Alors, parvenu à ce point, donc ayant démontré l'existence donc d'un lien logique, d'une possibilité de calculer les chances de gain, Pascal établit à 1 sur 2 la chance de l'existence de Dieu. Et de là vient, écrit-il, que s'il y a autant de hasard d'un côté que de l'autre, le parti est à jouer égal contre égal. Et alors, l'incertitude de ce qu'on expose est égale à l'incertitude du gain, tant s'en faut qu'elle soit infiniment distante. Donc, une fois établie cette proportion de 1 chance sur 2, il ne reste plus qu'à lui appliquer le montant des enjeux. D'un côté, une vie libertine, mais finie. De l'autre, le salut éternel. Le calcul est vite fait et débouche sur une croyance rationnelle, une vérité dont, dit Pascal, tous les hommes sont capables. Et ainsi, notre proposition, écrit-il, est dans une force infinie quand il n'y a que le fini à hasarder à un jeu où il y a pareil hasard de gain que de perte et l'infini à gagner. Et, conclut Pascal, ceci est démonstratif et si les hommes sont capables de quelques vérités, celle-là l'est. Alors, ce passage est extrêmement célèbre, je pourrais m'y attarder longtemps, mais je ne vais pas le faire, rassurez-vous. Il faut simplement noter que tout n'est pas calcul dans cette démonstration, puisque Pascal évalue arbitrairement à 1 sur 2 les chances de gagner ou de perdre. Une autre proportion n'aurait pas changé grand-chose, me direz-vous, dès lors qu'il introduit dans son équation l'arme atomique de l'infini. Mais nous avons déjà là un exemple de l'impossibilité de clore une opération de calcul sur elle-même, de la couper de toute référence à un jugement de valeur qui demeure d'ordre qualitatif et soutient la démonstration. C'est la raison pour laquelle le calcul des probabilités est apparu d'emblée à la fois comme descriptif et normatif. Alors Pascal en avait posé les bases pour répondre à une question juridique. Une question que lui avait posée le chevalier de Méret, qui est la suivante. Comment répartir les gains et les pertes en cas de rupture anticipée d'un contrat aléatoire? Ainsi que l'a montré Alain Desrosières, on ne peut résoudre une telle question sans un arbitre en position de surplomb, capable de construire, écrit Desrosières, des espaces d'équivalence, c'est une notion sur laquelle nous reviendrons, entre des événements futurs non advenus, incompatibles et hétérogènes. Fin de citation. Autrement dit, si le calcul des probabilités peut se substituer aux opérations qualitatives auxquelles procède un juge pour forger son intime conviction, si donc il peut tenir lieu de procédure, il ne peut en revanche faire disparaître la figure d'un tiers impartial. Pour rendre commensurable des données hétérogènes, ce tiers va procéder à des opérations de même type que celles auxquelles procède le juriste lorsqu'il subsume diverses situations de fait sous une même qualification juridique. Alors, comme le juge, ce tiers va d'abord être confronté à la question de décider de la vérité ou de la fausseté de faits dont l'existence demeure incertaine. Un tel est accusé d'avoir un compte dans tel pays, est-ce vrai, est-ce faux? Dans un prétoire, cette question est en fin de compte livrée à ce que Doma nommait la prudence du juge. Alors, je m'arrête un instant sur cette notion de prudence parce qu'elle occupe une place importante, notamment avec les techniques prudentielles dans le monde de l'assurance et de la banque contemporaine. La prudence est avec la justice, la force et la tempérance l'une des 4 vertus cardinales assignées à l'homme de bien par le christianisme. Elle désigne la faculté de discernement, grâce à laquelle l'action peut être guidée par une juste représentation de la vérité. Vous me pardonnerez, j'espère, cette toute petite parenthèse localiste, mais dans le célèbre statuaire du tombeau de François d'Aux de Bretagne, qui se trouve dans la cathédrale de Nantes, vous pourrez voir ces 4 vertus cardinales entourer le tombeau, et la prudence se présente de face, sur la gauche de l'image, comme une jeune femme au visage doux et attentif, munie dans la main droite d'un compas, symbole de la mesure de tout acte, et dans la gauche d'un miroir. Ce miroir lui permet de ne pas être tournée seulement vers l'avenir, vers ce qu'elle doit décider, mais aussi vers la connaissance d'elle-même et la connaissance du passé. On ne saurait en effet agir prudemment sans se connaître et sans le secours de l'expérience. Et cette dernière, l'expérience, a dans cette statue biface, l'expérience a le visage d'un vieillard pensif tourné, lui, vers le passé. Donc, le bon juge, le jurisprudent, c'est celui qui tout à la fois sait se scruter lui-même, sait tenir compte de l'expérience du passé et sait mesurer la valeur des preuves, des faits allégués devant lui. Cette mesure est essentiellement qualitative et l'un de ses principaux instruments est ce que l'on appelle en procédure le principe du contradictoire, c'est-à-dire l'obligation faite au juge de ne se prononcer que sur des éléments de preuve que toutes les parties au procès doivent avoir pu discuter contradictoirement. C'est cette règle qui s'impose, par exemple, au procès pénal, à l'article 447 du Code de procédure pénale. Or, les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction, mais il ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. Il y a une formule latine qui résume cette règle, c'est « audi alteram partem ». Il faut toujours s'en souvenir. C'est une règle très utile à pratiquer. Toujours écouter ce qu'est à dire l'autre son de cloche, dirions-nous. Dans l'exercice de cet art, le juge attribuera nécessairement un poids plus ou moins grand à un témoignage selon les conditions dans lesquelles il est donné. Par exemple, un témoignage sous serment a plus de valeur que la simple déclaration devant un officier de police. Il tiendra compte aussi, ce poids du témoignage, de l'honorabilité de celui qui témoigne. Le témoignage d'un honnête citoyen vaut plus, en principe, que celui d'un ruffian. Et il tiendra compte aussi de la crédibilité des faits qu'il rapporte. L'apparition de la Vierge est moins crédible que celle d'une bergère. Donc, ce sont autant de paramètres que les pères du calcul des probabilités, comme Leibniz, Bernoulli ou Condorcet, se sont efforcés de quantifier en vue de donner une estimation chiffrée de la vérité du fait rapporté. Alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'ici, le calculateur remplace le juge dans sa fonction d'agent impartial chargé de décider de la vérité d'un fait allégué. Mais si le recours au calcul des probabilités ne permet pas de faire l'économie du tiers, il opère en revanche, dès le pari pascalien, un déplacement dans la hiérarchie des valeurs en donnant le pas à l'utilité sur la connaissance dans la manière de faire face à l'incertitude. Au fond, le libertin pascalien, peu lui importe, peu lui chaud de pénétrer les mystères de l'existence. Il s'en bat l'œil, si je puis me permettre. Ce qu'il recherche, c'est la maximisation de ses gains. Par le calcul, il peut ainsi échapper aussi bien à l'abîme d'un univers vide de sens qu'à l'absolu d'un monde saturé de sens. Ainsi purgé de tout souci métaphysique, sa vie n'a plus ni hauteur ni profondeur, mais se déploie tout entière sur le plan d'une table de jeu où il s'agit de gagner le plus possible. C'est ce déplacement qui sépare la science des Grecs, qui était tournée vers la contemplation du monde, qui se pensait comme exercice de type religieux et métaphysique, de la nôtre, qui est sommée toujours de prouver son utilité. Et c'est l'utilité qui va présider à l'essor de la statistique, qui ne construit la société comme objet de connaissance que pour mieux pouvoir la gouverner. Et c'est la raison pour laquelle les premières applications du calcul des probabilités n'ont pas seulement visé à établir certains faits, mais aussi à décider de la règle qui doit les régir. le calcul des probabilités déborde alors le domaine de l'être pour investir celui du devoir-être. Il ne sert plus seulement à décrire, mais à prescrire. C'est une question de santé publique qui a, semble-t-il, été la première à avoir donné lieu ainsi à un débat sur la légitimité d'un tel calcul de la décision juridique. Cette question, c'était la question de savoir s'il fallait rendre obligatoire l'inoculation préventive de la variole. Ce débat a lieu au XVIIIe siècle, il est bien connu des historiens de la statistique. On savait qu'une telle obligation de l'inoculation de la variole ferait reculer la maladie dans son ensemble, mais qu'elle était mortelle pour un certain nombre des personnes inoculées. Au regard des données statistiques très parcellaires dont on disposait, ce risque était évalué à 1 sur 300. Donc, vous allez vacciner 300 personnes, il y en a un qui tombe, mais globalement, vous maximisez l'utilité sociale parce qu'il y aura moins de morts. Dans un mémoire présenté à l'Académie des sciences en 1760, Daniel Bernoulli proposa d'appliquer à la résolution de ce problème une formule analogue à celle en usage pour calculer les chances de gain à une loterie. Ce calcul montrant qu'en moyenne, les personnes inoculées gagnaient 3 ans d'espérance de vie, il concluait implicitement en faveur d'une généralisation de l'inoculation. Ce point de vue était à l'époque partagé par la plupart des esprits éclairés, notamment par Voltaire. Selon eux, ce débat, qui fut un débat passionné, presque violent, opposait les forces du progrès, favorables à l'inoculation, et celles de la réaction. Le progrès consistant à indexer le gouvernement des hommes sur les données de la science. Seul parmi les philosophes, D'Alembert s'opposa à Bernoulli et fit valoir qu'on ne pouvait appliquer à un problème intéressant à la vie humaine un calcul reposant sur des données imparfaites. Alors, la question posée par cette controverse fameuse n'a cessé de ressurgir depuis lors. Les politiques de santé publique doivent en effet tenir compte de la double nature de la maladie, qui est à la fois un fait social quantifiable et un événement singulier relevant de la vie privée de chacun. Au XIXe siècle, se sont ainsi opposés d'une part les médecins hygiénistes, qui étaient partisans de ce qu'on appelait une méthode numérique, consistant à normaliser les soins en se fondant sur les statistiques médicales, donc c'était déjà l'idée de référence médicale opposable, et d'autre part des défenseurs d'un art médical fondée sur l'expérience de la clinique et faisant une large part au colloque singulier avec le malade. Parmi les critiques de la méthode numérique se trouvait un personnage illustre dans cette maison, Claude Bernard, qui lui reprochait de prétendre soigner en moyenne au lieu de se fonder sur une connaissance exacte des déterminations de la maladie. Alors, le fait que la maladie paraissent relever principalement de causes physiques et non morales, était certainement de nature à légitimer le recours au calcul des probabilités pour décider de protocoles de prévention ou de soins. On peut en effet penser que les lois régissant le monde physique étant constantes et universelles, il est légitime de se fonder sur le constat de la régularité statistique et de leur manifestation. C'est la raison pour laquelle les premières applications du calcul des probabilités à des questions juridiques, ont toutes concerné des phénomènes physiques, au premier rang desquels la mortalité, que l'essor de la statistique permettait de faire figurer sous forme de tableaux quantifiés. On n'est pas alors trop loin des sciences galiléennes, qui se fondent elles aussi sur la mesure de régularité observée dans l'ordre de la nature. C'est de cette façon que des opérations telles que l'assurance-vie ou les contrats viagers, qui, au XVIIe siècle, étaient encore assimilés à un jeu de hasard, d'une espèce particulièrement blâmable car portant sur la vie d'autrui, ont fini par être considérés, au XIXe siècle, comme une marque de prévoyance que les pouvoirs publics se devaient d'encourager dans l'esprit des bons pères de famille. Le point de départ de cette évolution fut au Royaume-Uni le Gambling Act, donc c'est la loi sur les jeux, de 1774, qui fit de l'intérêt légitime de l'assuré le critère de distinction entre une assurance licite et un pari frappé de nullité. Le souvenir de John Law n'était pas loin et celui de la faillite de son système d'assurance des pertes à la loterie. John Law était un visionnaire et il avait inventé un système où on assurait les personnes contre leurs pertes relatives au jeu. Alors ce critère de l'intérêt légitime faisait notamment dépendre la qualification du contrat d'assurance du point de savoir s'il s'inscrivait dans le temps long de la prévoyance et non dans le temps court de la spéculation. Il mériterait certainement d'être réactivé aujourd'hui si l'on se souciait véritablement de réglementer les marchés financiers. Il y a en effet de bonnes raisons de penser que l'assurance a retrouvé de nos jours sur ces marchés la fonction spéculative qui avait conduit à sa prohibition au XVIIIe siècle. Si cette prohibition a été levée, ouvrant la voie d'ailleurs à l'édification de l'État social moderne, ce n'est pas seulement parce que l'essor des statistiques sociales a métamorphosé des événements incertains en risques calculables, mais c'est aussi sous la condition que ce calcul obéisse au principe de prudence. Et ce principe ne peut être lui-même réduit à des opérations de calcul, car il touche la fonction même de l'assurance et non pas seulement le montant de leurs réserves financières. Autrement dit, le principe de prudence devrait conduire aujourd'hui non seulement à fixer des ratios de solvabilité, ce qu'on fait, mais à limiter le périmètre de l'assurance en excluant les opérations spéculatives. Le Collège de France et France Culture vous présente le juriste Alain Supiot, jugé, le passage de la prudence au calcul. Tout à fait essentiel qu'a joué l'assurance dans l'édification de l'État social a été mise en lumière par François Ewald dans sa thèse consacrée à la naissance de l'État-providence. Cet ouvrage de référence décrit minutieusement les débats qui ont accompagné l'entrée du risque assurable dans l'orbite du droit de la responsabilité, aboutissant dans tous les pays industriels à l'adoption à la fin du XIXe siècle d'un nouveau régime de réparation des accidents du travail. Il n'est donc pas utile d'y revenir ici. Il conviendrait en revanche de revisiter l'interprétation du tournant juridique si bien décrit par Ewald. Ce dernier y voit, pour ceux qui l'ont lu s'en souviennent, l'avènement d'une société assurantielle, devenue transparente à elle-même et régie par ce qu'il appelle la normativité plutôt que la légalité. Cette lecture le conduit notamment à récuser toute différence de nature entre assurance sociale et assurance privée. Il n'y a pas lieu, écrit-il, de les opposer trop radicalement. Je cite, parce que ces deux types d'institutions utilisent les mêmes techniques du risque, qu'elles procèdent les unes et les autres par mutualisation et répartition de la charge de ces risques, aussi bien, conclut Ewald, pourrait-on dire que dans le vaste champ de la sécurité sociale, c'est-à-dire de la sécurité socialisée par le biais de l'assurance, ce qu'on appelle communément la sécurité sociale, avec un S majuscule, n'occupe qu'une partie. Fin de citation. Notez donc l'équivalence posée entre sécurité sociale et assurance privée. Bon, vous savez que François Eval, par la suite, va être un des juristes, un des théoriciens de la Fédération française des sociétés d'assurance. Donc il y a des cas où il y a des liens entre les travaux doctrinaux et les recherches, et ensuite une pratique sociale. Et ce qui permettait ce passage, c'est le concept de société assurantielle qui le conduisait ainsi à affirmer une équivalence fonctionnelle de l'assurance sociale et de l'assurance privée. L'idée, c'est que les deux procèdent d'une mutualisation des risques, qu'elles utilisent les mêmes méthodes actuarielles, et que donc l'assurance privée serait parfaitement capable de prendre en charge les risques qui relèvent aujourd'hui de la sécurité sociale. Il n'y a alors plus qu'un pas à franchir pour décider que le choix entre l'une et l'autre doit finalement dépendre de leur coût relatif tel qu'il s'exprime sur le marché. Et ce pas a été franchi, je vous avais promis qu'on allait arriver à l'actualité, donc nous y venons progressivement, a été franchi récemment par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 15 juillet 2010. Alors, selon la Cour européenne, je cite, « La solidarité n'est pas par nature inconciliable avec l'application d'une procédure de passation de marché. » Alors, pourquoi nous dit-elle ça? Eh bien, au motif que, je cite, « La mutualisation des risques sur laquelle repose toute activité d'assurance peut être garantie par un organisme ou une entreprise d'assurance. » Fin de citation. Il s'agissait, en l'espèce, dans le cas jugé par la Cour, d'obliger les partenaires sociaux à recourir au marché de l'assurance pour gérer un dispositif d'épargne-retraite instauré par une convention collective. Donc les partenaires sociaux s'étaient mis d'accord dans une convention collective pour créer une épargne-retraite et ils avaient décidé de confier la gestion de cette épargne à un organisme choisi par eux. Et le juge dit « Vous n'avez pas le droit de faire ça parce que vous devez faire un appel d'offres sur le marché. » L'argument dans cette affaire venait du fait qu'il s'agissait d'employés municipaux. On disait « Au fond, vos salaires, c'est de l'argent public. » Donc, ce sont les procédures de passation de marché qui doivent s'appliquer. Donc, on voit bien à quoi a servi la notion de société assurantielle. Elle a servi à mettre dans le même sac des opérations à but non lucratif reposant sur l'idée d'entraide et des opérations à but lucratif d'assurance qui sont dans l'affiliation des opérations spéculatives dont j'ai tracé brièvement la généalogie. Mais cette notion ne permet, en revanche, pas de saisir l'ampleur ni la complexité des transformations juridiques entraînées par la quantification des faits sociaux. Elle ne permet pas de saisir leur ampleur, car l'assurance n'est qu'un aspect d'un déplacement des bases fiduciaires des institutions, la foi dans les nombres supplantant progressivement la confiance dans les personnes. Ce déplacement est bien sûr visible en matière de contrats d'assurance où l'évaluation statistique des risques a pris le pas sur l'examen prudent de la situation de chaque assuré. À la naissance de l'assurance, chaque opération d'assurance donnait lieu de la part de l'assureur à une étude de la situation personnelle de celui qui voulait s'assurer et donc on était dans le registre donc de la prudence. Et avec le développement, par exemple, des tables de mortalité, on a de plus en plus recouru à des techniques purement quantifiées pour compter les barèmes qui seraient appliqués à chaque contrat. Ce déplacement est aussi visible dès le XIXe siècle dans des domaines aussi divers que la pratique médicale ou l'administration publique. Là aussi, Porter en donne des exemples sur les décisions prises en matière de travaux publics, par exemple. La théorie du coût-avantage, sur laquelle nous reviendrons, est une invention des ingénieurs français et américains de la première moitié du XIXe siècle. Quantifier les faits sociaux c'est en effet leur donner une objectivité apparente et les rendre commensurables à l'échelle du globe. La foi dans les nombres permet ainsi d'espérer un nouveau type de « rule of law », de règne du droit, fondé non plus sur des dogmes, mais sur des régularités observées s'imposant à toute l'humanité. Les progrès de la quantification sont ainsi allés de pair avec le projet d'un droit uniforme et universel. Un tel projet a été défendu notamment déjà par Condorcet, qui critiquait sévèrement le relativisme juridique de Montesquieu. Alors, c'est dans un petit texte de Condorcet qui s'intitule « L'observation sur le 29e livre de l'esprit des lois » qu'il fait une critique en règle de l'idée de relativisme juridique. Vous savez que chez Montesquieu, il a dit que les lois sont adaptées aux spécificités des mœurs, des pays, des régions, de la géographie, de l'histoire, etc. Et Condorcet dit « Ceci ne veut pas » parce qu'après avoir pris comme modèle d'une telle uniformité celle des poids et mesures, qui ne peut déplaire, dit Condorcet, qu'aux gens de loi qui craignent de voir diminuer le nombre des procès, donc il y a déjà un procès fait aux procéduriers, Condorcet justifie un tel projet de la façon suivante. Comme la vérité, la raison, la justice, les droits de l'homme, l'intérêt de la propriété, de la liberté, de la sûreté sont les mêmes partout, on ne voit pas pourquoi, écrit-il, toutes les provinces d'un État ou même tous les États n'auraient pas les mêmes lois criminelles, les mêmes lois civiles, les mêmes lois du commerce, etc. Une bonne loi doit être bonne pour tous les hommes, comme une proposition est vraie pour tous. Les lois qui paraissent devoir être différentes suivant les différents pays, ou statuent sur des objets qu'il ne faut pas régler par des lois, comme le sont la plupart des règlements de commerce, ou bien sont fondées sur des préjugés, des habitudes qu'il faut déraciner, et un des meilleurs moyens de les détruire est de cesser de les soutenir par des lois. Vous voyez la radicalité du propos, quand même, Condorcet ne fait pas dans la dentelle, si je puis dire. Il serait assez à l'aise à la Banque mondiale. Au fond, le monde entier est un univers soumis à la raison. Les lois, et il le dit, vous voyez, à la fin de la deuxième colonne, les règles qui paraissent arbitraires se fondaient presque toutes sur des raisons que les joueurs sentent vaguement et dont les mathématiciens accumulés au calcul des probabilités sauraient rendre compte. Donc il y a déjà l'idée que si l'on adosse l'énonciation des lois au calcul, on pourra aboutir à un droit universel. Et donc Montesquieu a tort de s'interroger sur la fonction juridique, par exemple, du cérémonial tartare ou chinois. Le droit comparé est inutile. De même que les mathématiciens accoutumés au calcul des probabilités sont capables de rendre compte des règles d'un jeu déterminé, de même, il doit être possible de calculer les règles applicables à toute l'humanité. Alors, nous avons déjà ici certaines des prémices de la conception du droit qui préside à la globalisation. Déréglementation du commerce, vous avez noté qu'il dit que la plupart des règlements du commerce sont des préjugés inutiles qu'il faut déraciner et détruire. Déréglementation du commerce et destruction des cultures juridiques régionales et nationales au profit d'un droit uniforme. Au fond, il ne manque à Condorcet que l'idée de sélection naturelle des meilleurs produits législatifs, là je parle avec le vocabulaire justement de la Banque mondiale, par mise en concurrence des droits nationaux. Alors nous reviendrons sur cette histoire de marché des produits législatifs ultérieurement. En réalité, cette volonté d'appliquer le calcul des probabilités aux faits sociaux n'a jamais fait l'unanimité. Dès le début du XVIIIe siècle, le mathématicien Pierre de Montmort avait identifié les deux raisons qui rendaient cette application hasardeuse. La première, disait-il, c'est que l'action humaine n'est pas soumise aux lois fixes et invariables qui gouvernent la nature, et qu'on s'abuse en pensant que la recherche de son propre intérêt puisse constituer une telle loi. La seconde, disait de Montmort, est l'incapacité de l'esprit humain à comprendre la totalité des facteurs qui président à son action. S'attaquant explicitement aux conceptions de Condorcet et Laplace, Auguste Comte s'est livré au milieu du XIXe siècle à une critique absolument féroce. On ne lit pas assez Auguste Comte, il n'y a que les spécialistes qui lisent. Ah ben, il faut dire que c'est des assez gros livres, un peu décourageants, mais c'est passionnant. Donc, critique féroce, dit-il, il faudrait le distribuer dans les facultés d'économie, de la vaine prétention d'un grand nombre de géomètres à rendre positives les études sociales d'après une subordination chimérique à l'illusoire théorie mathématique des chances. Fin de citation. Selon lui, la haute abstraction des travaux mathématiques affranchie de toute subordination rigoureuse à l'étude réelle de la nature. Pour être légitime en matière de sciences sociales, la quantification, aux yeux de ses critiques, devait donc être limitée à ce qui peut être exactement dénombré, et elle ne doit jamais s'autoriser des modélisations qui extrapolent des lois générales à partir de mesures partielles d'ensembles faits hétérogènes. C'est cette exigence de méthode qui inspira, par exemple, au XIXe siècle, les enquêtes minutieuses conduites par Le Play et ses successeurs pour décrire les conditions de vie des populations paysannes et ouvrières des différents pays européens. Alors, je ne sais pas si vous avez tous entendu parler de ce courant très particulier de la sociologie au XIXe siècle, les études de Le Play. Et Le Play était sur le type de position de Comte, en réalité. C'était un ingénieur de formation et il était effaré par l'approximation qui consistait à faire de la modélisation à partir de données parcellaires et hétérogènes. Donc il disait, si on compte, il faut tout compter. Et donc Le Play et ses disciples s'installent dans un ménage ouvrier et comptent tout, absolument tout. La moindre dépense, la moindre économie, le moindre geste. On essaie d'avoir un tableau absolument exhaustif et on dit, sur ces bases, nous pourrons avoir une science sociale fiable et crédible. Ingénieur, donc, il est frappé par le manque de rigueur scientifique des tableaux statistiques, dit Le Play, qui ne tiennent compte ni de la nature spéciale des individus, ni de caractère propre du milieu où ils vivent. Les données officielles, écrit Le Play, négligent donc les faits principaux que la science doit considérer quand elle veut arriver aux conclusions qui intéresse les existences individuelles ou les différentes catégories sociales. Alors, bien qu'écrasée aujourd'hui par l'économétrie standard, cette ethno-comptabilité continue d'être pratiquée de nos jours par certains chercheurs qui, au lieu de plaquer sur le réel des catégories statistiques préfabriquées, visent à comprendre, dans leur complexité, les opérations d'évaluation à l'œuvre au sein de n'importe quel groupe humain. Alors, au contraire des opérations de quantification à l'œuvre, par exemple, dans les plans de lutte contre la pauvreté, où là, vous avez un truc simple, c'est plus ou moins de 2 dollars par jour, vous êtes pauvre, plus de 2 dollars, vous n'êtes pas pauvre. Donc, ça, sans vous demander la notion de pauvreté, qu'est-ce que ça signifie. Les plans de lutte contre la pauvreté sont apparus dans les pays qui avaient été soumis auparavant au plan d'ajustement structurel, notamment en Afrique noire. Et effectivement, après l'application des plans d'ajustement culturel, une grande pauvreté s'est développée. Mais on les a conduits sur ce mode de la quantification, et en demandant, on fait appel à ce qu'on peut appeler les vendredis de la recherche, comme Robinson et Vendredi. On ne pense pas que les gens de ces pays puissent penser par eux-mêmes. Donc les questionnaires sont pensés dans les organisations internationales. On les envoie, on recrute des gens qui doivent remplir. Donc ils allaient. J'ai eu des études sur le cas mauritanien. On est allé voir les gens dans le désert en disant combien tu gagnes de dollars par jour exactement. Alors ils disaient 1 dollar. On n'a pas, non. Ah, mauvaise nouvelle, t'es pauvre. Bonne nouvelle, la banque va s'occuper de toi. Et on a prolétarisé ainsi des populations entières dans les banlieues de Nouakchott. C'est-à-dire, si vous interrogez, si on interroge l'anthropologie sur la notion de pauvreté dans ces pays-là, la première chose qui sera dite, c'est que la pauvreté, enfin au sens occidental, c'est de ne pas avoir de personnes sur qui on peut compter. C'est d'être, quand on est de peu de gens, c'est ceux-là qui sont considérés comme pauvres. Donc, si on veut agir contre la pauvreté, la première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre de façon détaillée, fine. Ça, c'est les positions leplésiennes. De quoi on parle exactement? Et souvent, le concept qu'on croit universel, on le projette et il a l'effet d'une bombe. Alors, c'est encore plus fort si ce concept se réduit à plus ou moins de 2 dollars par jour, bien entendu. Alors, voir dans le calcul la clé de l'harmonie sociale est l'un des nombreux traits communs du capitalisme et du communisme. La différence est que dans sa version libérale, cette harmonie repose sur les calculs d'utilité individuelle que l'État doit rendre possible en instituant l'état des personnes, en assurant la propriété et en faisant respecter les contrats. Tandis que les régimes communistes ont tenté de bâtir l'harmonie sur un calcul collectif et centralisé dont l'instrument normatif est la planification du développement économique. Je dis « est », je pourrais dire « était » parce que je ne sais plus s'il y a beaucoup de pays sur la surface du globe à avoir de la planification de type soviétique. Cette différence est évidemment essentielle du point de vue juridique qui est le nôtre. Pour le libéralisme classique, je ne parle pas ici de l'ultralibéralisme, on va le comprendre après, il n'y a pas de marché qui puisse fonctionner sans un régime de droit, sans un rule of law, qui en délimite l'emprise et en fixe les règles. Les calculs d'utilité auxquels se livrent les parties à un contrat sont rendus possibles par la présence de ce tiers garant des échanges qui rend ces calculs possibles en prenant en charge tout ce qui demeure incalculable, à commencer par l'identité des contractants. Le droit n'est pas, dans ses perspectives, un instrument au service des calculs, mais une condition essentielle de leur existence. Autrement dit, encore, on se trouve dans un univers à trois dimensions. Alors retenez bien ça, parce que tout à l'heure, j'essaierai de vous transporter dans un univers à deux dimensions. Trois dimensions où le plan des échanges trouve sa mesure et sa référence dans la verticale des États. À l'inverse, l'édification du communisme a représenté la première tentative de bâtir un univers social à deux dimensions, celui du plan et de la planification, dans lequel le droit, alors le mot plan est suffisamment explicite de ce point de vue, celui donc du plan et de la planification dans lequel le droit n'est plus qu'un instrument de mise en œuvre d'un calcul d'utilité collective. Harold Berman, dont je vous ai beaucoup parlé à propos de la révolution grégorienne, distingue fort à propos, pour caractériser les expériences totalitaires du XXe siècle, le « rule of law » et le « rule by law ». Le règne ou le gouvernement de la loi ou le gouvernement le gouvernement par les lois. La planification de type soviétique est une manifestation de ce « rule by laws » et d'un ordre normatif dans lequel ce n'est plus la loi qui régit la vie économique, mais le nombre. Cette première expérience historique a largement disparu de l'horizon de la recherche alors qu'elle est plus que jamais riche d'enseignements. Elle permet en effet de comprendre le processus actuel d'hybridation du communisme et du capitalisme. Ce processus est évident dans le cas de la République de Chine ou de la Fédération de Russie. Mais il est aussi à l'œuvre, dans les pays occidentaux, que la dépendance au marché financier a installé dans ce que l'article 1er de la Constitution chinoise, aujourd'hui en vigueur, appelle une dictature démocratique. Donc, l'avantage des Chinois, c'est qu'ils disent les choses. Donc, article 1er, la République populaire de Chine est un État socialiste de dictature démocratique populaire dirigé par la classe ouvrière et fondée sur l'alliance entre ouvriers et paysans. Article 15, l'État pratique l'économie de marché socialiste. Autre notion qui nous paraît comme un oxymore, faut lire socialiste comme communiste. Hein. Ce n'est pas l'économie mixte de François Mitterrand dont il s'agit. Il s'agit de faire de l'économie de marché dans le cadre d'un régime communiste. Mais c'est socialiste au sens du socialisme qui conduit à la société communiste. Il est donc nécessaire, ne serait-ce que de façon cursive, de revenir sur l'expérience de la planification de type soviétique qui a précédé et à bien des égards préparé le passage à ce que cette constitution chinoise appelle aujourd'hui l'économie de marché socialiste. Il y a un lien, à mon avis. Bon, je ne fais que des hypothèses, mais dans le cas, si vous voyez le classement de Shanghai, c'est quelque chose qui a eu sur les institutions universitaires un impact dans le monde entier infiniment plus fort que n'importe quelle loi. Pourquoi les Chinois se mettent-ils à faire un classement de Shanghai? Pourquoi veut-il classer de cette façon? On peut faire l'hypothèse qu'il y a là quelque chose qui est dans l'héritage de ce que dans la planification, on va y revenir, on appelait les chiffres de contrôle. Donc une technique, effectivement, de gouvernance par les nombres. Donc, comme nos modernes ultralibéraux, les dirigeants soviétiques ont essayé de fonder sur le calcul l'organisation de la vie économique. À deux différences près qu'il convient de souligner ici. La première, je l'ai déjà dit, c'est qu'il s'agissait d'un calcul collectif et centralisé, et non du produit spontané de l'addition de calculs d'intérêts individuels. Au terme, par exemple, de l'article 1er du Code civil soviétique de 1922, je cite, « Les droits civils sont garantis par la loi, à l'exception des cas où ils sont exercés en violation de leur destination socio-économique. » Fin de citation. Donc, ils sont garantis, sauf quand ils ne sont pas garantis. Pour savoir si l'exercice d'un droit viole sa destination économique, il faut nécessairement la rapporter à une évaluation de l'utilité pour la collectivité de l'usage qui est fait de ce droit. L'opposabilité d'un droit dépend ainsi d'un calcul d'utilité sociale qui est extérieur et qui s'impose à l'ordre juridique. Les garanties de la loi s'évanouissent dès lors qu'elles sont contredites par ce calcul. C'est ça le système de rule by law. La seconde différence, sur laquelle je vais m'arrêter un instant, est que l'opérateur de ce calcul n'est pas la contractualisation, mais la planification. L'institution chargée de ces calculs et de cette planification était la commission du plan d'État, mieux connue sous son acronyme de Gosplan. À vrai dire, l'idée de planification avait été avancée bien avant la révolution bolchévique, notamment par un économiste allemand, Karl Ballot, d'orientation socialiste et non communiste. Ballot avait publié en 1898 un ouvrage préfacé par Kautsky intitulé « Der Zukunftsstaat, l'État du futur ». Et cet ouvrage définissait le rôle planificateur que l'État serait appelé à jouer dans une Allemagne socialiste. Cet ouvrage eut beaucoup de succès, de nombreuses éditions et rééditions et traductions, notamment en russe, et il fut reçu avec intérêt par Lénine, qui n'avait pas d'idée précise sur la manière d'organiser l'économie. Et c'est sur la base de ces idées de Ballot que fut donc créé le Gosplan en février 1921. Il se composait à l'origine d'économistes d'obédience diverses. À partir de 1925, il produisit donc des chiffres de contrôle destinés à suivre annuellement l'activité des entreprises d'État. Mais c'était seulement en 1927 qu'il élabora le premier plan quinquennal de 1928-1932. Alors, ce plan, c'est le vrai plan, celui qui a une portée normative, ne doit pas être confondu avec le plan dit Goelreau, adopté en 1921 pour lancer le programme d'électrification de l'URSS, puisque dans ce plan, il s'agissait de tracer des grandes perspectives à 10 ou 15 ans. En revanche, le Gosplan a pour objectif de fixer aux entreprises des objectifs précis dont la réalisation était suivie annuellement par les chiffres de contrôle. Donc le Gosplan était un organisme scientifique. Scientifique, la référence est à la science, chargée de la planification économique du pays. Il figurait à ce titre sur l'organigramme des structures scientifiques et techniques de l'URSS. Notez cette qualification, donc la décision économique dans la perspective communiste relève de la science et de la technique et non pas de joutes politiques. Nous verrons que cette idée est aujourd'hui largement aussi reprise dans le cadre notamment des institutions européennes. C'est un trait que nous retrouverons donc en terre capitaliste au moment du tournant ultralibéral et de la création, en 1969, du prétendu prix Nobel d'économie. Je vous en ai déjà parlé. Bon, non. Ben, je dis prétendu parce qu'il n'y a pas de prix Nobel d'économie. C'est un prix de la Banque de Suède, mémoire d'Alfred Nobel. Dès lors qu'on admet qu'elle relève de la science et de la technique, la direction de l'économie doit échapper à la volonté des peuples et être placée hors de portée électorale. Cette thèse d'une démocratie limitée, dont l'emprise doit s'arrêter là où commence celle de l'ordre spontané du marché, a été âprement défendue par Friedrich Hayek, qui fut l'un des premiers lauréats de ce prétendu Nobel. Et le président de la Commission européenne, M. Barroso, qui est lui-même un ancien militant maoïste radical, vient de le rappeler en ces termes suite à la défaite électorale de M. Monti, l'un de ses anciens collègues de la Commission, aux élections législatives italiennes. Il l'a fait dans une déclaration à l'agence Reuters. La question que nous devons nous poser est la suivante. Devrions-nous définir notre politique économique sur la base de considérations électorales à court terme ou par ce qui est nécessaire pour diriger l'Europe sur la voie d'une croissance durable? Pour moi, la réponse est claire. Nous devrions être sérieux et ne pas céder à des considérations politiques ou partisanes immédiates. Alors revenons au Gosplan. Il a servi de modèle aux dispositifs équivalents qui furent institués dans tous les pays communistes. Il était chargé de recueillir et d'analyser toutes les informations venues des entreprises et des régions économiques et de préparer sur cette base trois types de plans. Les plans perspectives à long terme, les plans quinquennaux et les plans annuels. Alors, la planification par le Gosplan a oscillé, selon les époques, entre une approche à dominante sectorielle et une approche à dominante territoriale. L'organigramme du Gosplan reflétait cette complexité. Et les plans ainsi établis au niveau des républiques remontaient ensuite au niveau fédéral du Gosplan, qui en faisait à son tour la synthèse. Une fois approuvé par le gouvernement de l'URSS, le plan final qui résultait de cette procédure avait force de loi et redescendait sous la forme de directives administratives. Alors c'est là que le droit intervient. Donc après ce mouvement de compte, les chiffres arrêtés au niveau central prennent la forme de directives administratives vers les différents échelons professionnels et régionaux jusqu'aux entreprises. Je vous remercie de votre attention. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Alain Supiot le 21 mars 2013, juger le passage de la prudence au calcul. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion. Alain Supiot a publié sa leçon inaugurale « Grandeur et misère de l'État social » chez Fayard en 2013. Son cours sur la gouvernance des nombres a été publié chez le même éditeur en 2015. Et rappelons aussi son ouvrage « L'esprit de Philadelphie, la justice sociale face au marché total » au Seuil en 2010. Réalisation Milena Elig, mixage Valérie Lavalard, présentation Meryl Moneghetti. Demain, l'asservissement de la loi au nombre du Gosplan au marché total. Belle journée à l'écoute de France Culture.